La lutherie n'a jamais beaucoup changé, la lutherie vraiment à la main. Sauf maintenant, on se permet d'avoir des machines. Par exemple, on ne va pas chantourner une pièce à la main. Maintenant, vous avez une scie électrique, C'est hein? ça, oui. Ou alors une dégauchisseuse, tandis que dans le temps, on rabotait la pièce à la main, tout. Ah oui, d'accord. On rabotait la pièce, on faisait le joint, on chantournait, on traçait, on chantournait à la main.